Heureusement, Pierre, pour la cérémonie du lendemain, avait une carte rose qui lui assurait une place dans une tribune réservée. Car la bousculade aux portes de la basilique fut terrible dès 6 heures du matin, heure à laquelle on avait eu la précaution d'ouvrir les grilles. Et la messe que le pape devait dire en personne n'était que pour 10 heures. Le chiffre des 3 000 fidèles qui composaient le pèlerinage international du denier de Saint-Pierre allait se trouver décuplé par tous les touristes alors en Italie, accourus à Rome, désireux de voir une de ces grandes solennités pontificales, si rares désormais, sans compter Rome elle-même, les partisans, les dévots que le Saint-Siège y comptait, ainsi que dans les autres grandes villes du royaume, et qui s'empressaient de manifester dès que s'en présentait l'occasion. On prévoyait, par le nombre des cartes distribuées, une affluence de 40 000 assistants. Et lorsque, à 9 heures, Pierre traversa la place pour se rendre rue Sainte-Marthe à la porte canonique où étaient reçues les cartes roses, il vit encore, sous le portique de la façade, la queue sans fin qui pénétrait très lentement, tandis que des messieurs en habit noir, les membres d'un cercle catholique, s'agitaient au grand soleil pour maintenir l'ordre avec l'aide d'un détachement de gendarmes pontificaux. Des querelles violentes éclataient dans la foule, des coups de poing même étaient échangés, au milieu des poussées involontaires. On étouffait. On emporta 2 femmes écrasées à demi. En entrant dans la basilique, Pierre eut une surprise désagréable. L'immense vaisseau était vêtu des chemises de vieux damas rouge à galons d'or, habillaient les colonnes et les pilastres de 25 mètres de hauteur, tandis que le pourtour des nefs latérales se trouvait également drapé de la même étoffe. Et c'était vraiment d'un goût singulier, d'une gloriole de parure affectée et pauvre, que ces marbres pompeux, cette décoration éclatante et superbe, ainsi cachée sous l'ornement de cette soie ancienne, fanée par l'âge. Mais il fut plus étonné encore, en apercevant la statue de bronze de Saint-Pierre, habillée elle aussi, revêtue, telle qu'un pape vivant, d'habits pontificaux somptueux, la tiare posée sur sa tête de métal. Jamais il n'avait songé qu'on pût habiller les statues, pour leur gloire ou pour le plaisir des yeux. Et le résultat lui en parut funeste. Le Saint-Père devait dire la messe à l'autel papal de la confession, le maître-autel, sous le dôme. À l'entrée du transept de gauche, sur une estrade, se trouvait le trône, où il irait ensuite prendre place. Puis, des 2 côtés de la nef centrale, on avait construit des tribunes, celles des chanteurs de la chapelle Sixtine, du corps diplomatique, des chevaliers de Malte, de la noblesse romaine, des invités de toutes sortes. Et il n'y avait enfin, au milieu, devant l'autel, que 3 rangées de bancs, recouverts de tapis rouges, le premier pour les cardinaux, les 2 autres pour les évêques et pour la prélature de la cour pontificale. Tout le reste des assistants allait demeurer debout. Ah, cette foule énorme de concerts monstres, ces 30, ces 40 000 fidèles venus de partout, enflammés de curiosité, de passion et de foi, s'agitant, se poussant, se haussant pour voir, au milieu d'une grande rumeur de marée humaine, familière et gaie avec Dieu, comme si elle se fût trouvée dans quelque théâtre divin où il était permis honnêtement de parler haut, de se récréer au spectacle des pompes dévotes. Pierre en fut saisi d'abord, ne connaissant que les agenouillements inquiets et silencieux au fond des cathédrales sombres, n'étant pas habitué à cette religion de lumière dont l'éclat transformait une cérémonie en une fête de plein jour. Dans la tribune où il était placé, il avait autour de lui des messieurs en habit et des dames en toilette noire, qui tenait des jumelles, comme à l'opéra. Beaucoup de dames étrangères, des Allemandes, des Anglaises, des Américaines surtout, ravissantes, d'une grâce d'oiseaux étourdis et bavards. À sa gauche, dans la tribune de la noblesse romaine, il reconnut Benedetta et sa tante Donna Serafina. Et là, tranchant sur la simplicité réglementaire du costume, les grands voiles de dentelle luttaient d'élégance et de richesse. Puis, c'était, à sa droite, la tribune des chevaliers de Malte, où se trouvait le grand maître de l'ordre, au milieu d'un groupe de commandeurs. Tandis que, de l'autre côté de la nef, en face de lui, dans la tribune diplomatique, il apercevait les ambassadeurs de toutes les nations catholiques, en grand costume, étincelant de broderies. Mais il revenait quand même à la foule, la grande foule, vague et houleuse, où les 3000 pèlerins semblaient comme perdus, noyés parmi les milliers d'autres fidèles. Et pourtant, la basilique, qui contiendrait à l'aise 80 000 hommes, n'était guère qu'à moitié emplie par cette foule, qu'il voyait librement circuler le long des nefs latérales, se tasser entre les haies des colonnes, d'où le spectacle allait être le plus commode à suivre. Des gens gesticulaient, des appels s'élevaient, au-dessus du grondement continu des conversations. Par les hautes fenêtres claires, de larges nappes de soleil tombaient, en sanglantant les tentures de damas rouge, éclairant d'un reflet d'incendiés les faces tumultueuses, fiévreuses d'impatience. Les cierges, les 87 lampes de la confession, pâlissaient, telles que des lueurs de veilleuses, dans cette aveuglante clarté. Et ce n'était plus que le gala mondain du dieu impérial de la pompe romaine. Tout d'un coup, il y eut une fausse joie, une alerte. Des cris coururent, gagnèrent la foule de proche en proche. « Eccolo! Eccolo! Le voilà! Le voilà !» Et des poussées se produisirent, des remous firent tournoyer cette nappe humaine, tous allongeant le cou, se grandissant, se ruant dans une frénésie de voir sa sainteté et le cortège. Mais ce n'était encore qu'un détachement de gardes nobles qui venait se poster à droite et à gauche de l'autel. On les admira pourtant. On leur fit une ovation. Un murmure flatteur les accompagna pour leur belle tenue d'une impassibilité, d'une raideur militaire exagérée. Une Américaine les déclara des hommes superbes. Une Romaine donna à une amie, une Anglaise, des détails sur ce corps d'élite, disant qu'autrefois les jeunes gens de l'aristocratie tenaient à honneur d'en faire partie, pour la richesse de l'uniforme et la joie de caracoler devant les dames. Tandis que maintenant le recrutement devenait difficile, au point qu'on devait se contenter des beaux garçons d'une noblesse douteuse et ruinée, simplement heureux de toucher la maigre solde qui leur permettait de vivre. Et durant un quart d'heure encore, les conversations particulières reprirent, emplirent les hautes nefs de leur brouhaha de salle impatiente, qui se distrait à dévisager les gens et à se conter leur histoire dans l'attente du spectacle. Enfin, le cortège défila. Et il était la grande curiosité attendue, la pompe dont on souhaitait ardemment le passage pour l'acclamer. Alors, comme au théâtre, quand il apparut, de furieux applaudissements éclatèrent, montèrent, roulèrent sous les voûtes, lui faisant une entrée, ainsi qu'à l'acteur aimé, au grand premier rôle qui bouleverse tous les cœurs. Du reste, comme au théâtre encore, on avait réglé cette apparition savamment, de façon qu'elle donna tout son effet au milieu du magnifique décor où elle allait se produire. Le cortège venait de se former dans la coulisse. au fond de la chapelle de la Pietà, la première en entrant à droite. Et pour s'y rendre, le Saint-Père, qui était arrivé de ses appartements voisins par la chapelle du Saint-Sacrement, avait dû se dissimuler, passer derrière la draperie de la nef latérale, utilisée de la sorte comme toile de fond. Les cardinaux, les archevêques, les évêques, toute la prélature pontificale l'attendaient là, classés, groupés selon la hiérarchie, prêts à se mettre en marche. Et, ainsi qu'au signal d'un maître de ballet, le cortège avait fait son entrée, gagnant la grande nef, la remontant tout entière, triomphalement, de la porte centrale à l'autel de la confession, entre la double haie des fidèles dont les applaudissements redoublaient devant tant de magnificence à mesure que montait le délire de leur enthousiasme. C'était le cortège des solennités anciennes. La croix et le glaive, la garde suisse en grande tenue, les valets en simarre écarlate, les chevaliers de cap et d'épée en costume en rideux, les chanoines en rocher de dentelle, les chefs des communautés religieuses, les protonotaires apostoliques, les archevêques et les évêques, toute la cour pontificale en soie violette, les cardinaux en cappa magna, drapés de pourpre, marchant deux à deux, largement espacés, solennellement. Enfin, autour de sa sainteté, se groupaient les officiers de sa maison militaire, les prélats de l'antichambre secrète, monseigneur le majordome, monseigneur le maître de chambre, et tous les hauts dignitaires du Vatican, et le prince romain assistant au trône, le traditionnel et symbolique défenseur de l'Église. Sur la chaise gestatoire que les flabelli abritaient des hautes plumes triomphales et que balançaient les porteurs, aux tuniques rouges brodées de soie, sa sainteté était revêtue des vêtements sacrés qu'elle avait mis dans la chapelle du Saint-Sacrement, la micte, l'aube, l'étole, la chasuble blanche et la mitre blanche, enrichie d'or, deux cadeaux qui venaient de France, d'une somptuosité extraordinaire. Et à son approche, les mains se levaient, battaient plus haut dans les ondes de vivant soleil qui tombaient des fenêtres. Pierre eut alors une impression nouvelle de Léon XIII. Ce n'était plus le vieillard familier, las et curieux, se promenant au bras d'un prélat bavard dans le plus beau jardin du monde. Ce n'était même plus le Saint-Père en pèlerine rouge et en bonnet papal, recevant paternellement un pèlerinage qui lui apportait une fortune. C'était le souverain pontife, le maître tout-puissant, le Dieu que la chrétienté adorait. Comme dans une chasse d'orfèvrerie, son mince corps de cire semblait s'être raidi dans son vêtement blanc, lourd de broderies d'or. Et il gardait une immobilité hiératique et hautaine, telle qu'une idole desséchée, dorée depuis des siècles parmi la fumée des sacrifices. Les yeux seuls vivaient au milieu de la rigidité morte du visage, des yeux de diamant noir et étincelant, fixés au loin, hors de la terre, à l'infini. Il n'eut pas un regard pour la foule. Il n'abaissa les yeux ni à droite ni à gauche, resté en plein ciel, ignorant ce qui se passait à ses pieds. Et cette idole, ainsi promenée, comme embaumée, sourde et aveugle, malgré l'éclat de ses yeux, au milieu de cette foule frénétique qu'elle paraissait n'entendre ni ne voir, prenait une majesté redoutable, une inquiétante grandeur, toute la raideur du dogme, toute l'immobilité de la tradition exhumée avec ses bandelettes, qui, seule, la tenait debout. Cependant, Pierre crut s'apercevoir que le pape était souffrant, fatigué. Sans doute, cet accès de fièvre dont Monsignor et Nanni lui avaient parlé la veille, en glorifiant le courage, la grande âme de ce vieillard de 84 ans, que la volonté de vivre faisait vivre, dans la souveraineté de sa mission. La cérémonie commença. Descendu de la chaise gestatoire à l'autel de la confession, sa sainteté, lentement, célébra une messe basse, assistée de quatre prélats et du propre ailé des cérémonies. Au lavabo, Monseigneur le majordome et Monseigneur le maître de chambre, que deux cardinaux accompagnaient, versèrent l'eau sur les augustes mains de l'officiant. Et, un peu avant l'élévation, tous les prélats de la cour pontificale, un cierge allumé à la main, vinrent s'agenouiller autour de l'autel. Ce fut un instant solennel. Les 40 000 fidèles, réunis là, frémirent, sentirent passer sur eux le vent terrible et délicieux de l'invisible, lorsque, pendant l'élévation, les clairons d'argent sonnèrent le fameux cœur des anges, qui, chaque fois, fait évanouir des femmes. Presque aussitôt, un chant aérien descendit du dôme, de la galerie supérieure où se trouvaient cachés 120 choristes. Et ce fut un émerveillement, une extase, comme si, à l'appel des clairons, des anges eux-mêmes eussent répondu. Les voix descendaient, volaient sous les voûtes, d'une légèreté de harpe céleste. Puis, elles s'évanouirent en un accord suave. Elles remontèrent aux cieux avec un petit bruit d'ailes qui se perdit. Après la messe, sa sainteté, encore debout à l'autel, entonna elle-même le Te Deum que les chantres de la chapelle Sixtine et les chœurs reprirent, chaque partie chantant un verset alternativement. Mais bientôt, l'assistance entière se joignit à eux. Les 40 000 voix s'élevèrent, le chant d'allégresse et de gloire s'épandit dans l'immense vaisseau, avec un éclat incomparable. Alors, le spectacle fut vraiment d'une extraordinaire magnificence. Cet autel, surmonté du baldaquin fleuri, triomphal et doré du Bernin, entouré de la cour pontificale que les cierges allumés constellaient d'étoiles, ce souverain pontife au centre, rayonnant comme un astre dans sa chasuble d'or, devant les bancs des cardinaux de pourpre, des archevêques et des évêques de soie violette, ces tribunes où étincelaient les costumes officiels, les chamarrures du corps diplomatique, les uniformes des officiers étrangers, cette foule fluant de partout, roulant une houle de tête des plus lointaines profondeurs de la basilique. Et c'étaient les proportions démesurées de cela qui saisissaient. Des nefs latérales où toute une paroisse pouvait s'entasser, des transepts vastes comme des églises de cités populeuses, un temple que des milliers et des milliers de dévots emplissaient à peine. Et l'hymne glorieuse de ce peuple devenait elle-même colossale, montait avec un souffle géant de tempête parmi les grands tombeaux de marbre, parmi les statues surhumaines, le long des colonnes gigantesques, jusqu'aux voûtes déroulant l'énormité de leur ciel de pierre, jusqu'au firmament de la coupole où l'infini s'ouvrait dans le resplendissement d'or des mosaïques. Il y eut une longue rumeur après le Te Deum, pendant que Léon XIII, coiffant la tiare à la place de la mitre, échangeant la chasuble pour la chape pontificale, allait occuper son trône sur l'estrade qui se dressait à l'entrée du transept de gauche. De là, il dominait toute l'assistance. Et de quel frisson celle-ci fut parcourue, comme sous un souffle venu de l'invisible, lorsqu'il se leva après les prières du rituel. Il apparut, grandi, sous la triple couronne symbolique, dans la gaine d'or de la chape. Au milieu d'un brusque et profond silence, que troublait seul le battement des cœurs, il leva le bras d'un geste très noble. Il donna lentement la bénédiction papale, d'une voix haute et forte, qui semblait être en lui la voix de Dieu même, tellement elle surprenait, au sortir de ses lèvres de cire, de ce corps exsangue et sans vie. Et l'effet fut foudroyant. Des applaudissements de nouveau éclatèrent dès que le cortège se reforma pour s'en aller par où il était venu. Une frénésie d'enthousiasme arrivée à un tel paroxysme que, les battements de mains ne suffisant plus, des acclamations s'y mêlèrent, des cris qui gagnèrent peu à peu toute la foule. Cela commence près de la statue de Saint-Pierre dans un groupe ardent. « Et viva il papare! Et viva il papare! Vive le pape roi! Vive le pape roi !» Puis, sur le passage du cortège, cela courut comme une flamme d'incendie, embrasant les cœurs de proche en proche, finissant par jaillir des milliers de bouches en une tonnante protestation contre le vol des états de l'Église. Toute la foi, tout l'amour des fidèles, surexcités par le royal spectacle d'une si belle cérémonie, retournaient au rêve, au souhait exaspéré du pape roi et pontife, maître des corps comme il était maître des âmes, souverain absolu de la terre. L'unique vérité était là, l'unique bonheur, l'unique salut, qu'on lui donne à tout, l'humanité et le monde. Et viva il papare! Et viva il papare! Vive le pape roi! Vive le pape roi! Ah, ce cri de guerre qui avait fait commettre tant de fautes et couler tant de sang, ce cri d'abandon et d'aveuglement dont le vœu réalisé aurait ramené les âges de souffrance! Il révolta Pierre. Il le décida à quitter vivement la tribune où il se trouvait, comme pour échapper à la contagion de l'idolâtrie. Puis, pendant que le cortège défilait toujours, il longea un moment la nef latérale de gauche, dans la bousculade, dans la sourdissante clameur de la foule qui continuait. Et, désespérant de gagner la rue, voulant éviter la cohue de la sortie, il eut l'inspiration de profiter d'une porte ouverte. Il se réfugia dans le vestibule d'où montait l'escalier conduisant sur le dôme. Un sacristain, debout à cette porte, effaré et ravi de la manifestation, le regarda un instant, hésita à l'arrêter. Mais la vue de la soutane, sans doute, et plus encore l'émotion profonde où il était, le rendirent tolérant. D'un geste, il laissa passer Pierre, qui tout de suite s'engagea dans l'escalier, monta rapidement, pour fuir, aller plus haut encore, dans la paix et le silence. Et, brusquement, le silence devint profond. Les murs étouffaient le cri, dont il semblait ne garder que le frémissement. C'était un escalier commode et clair, aux larges marches pavées, tournant dans une sorte de tourelle. Quand il déboucha sur les toitures des nefs, il eut une joie à retrouver le soleil clair, l'air pur et vif qui soufflait là, comme en rase campagne. Étonné, il parcourut des yeux cet immense développement de plomb, de zinc et de pierre, toute une cité aérienne, vivant de son existence propre sous le ciel bleu. Il y voyait des dômes, des clochers, des terrasses, jusqu'à des maisons et à des jardins, les maisons égayées de fleurs, des quelques ouvriers qui vivent à demeure sur la basilique, en continuels travaux d'entretien. Une petite population s'y agite, travaille, aime, mange et dort. Mais il voulut s'approcher de la balustrade, curieux d'entamer de près les colossales statues du Sauveur et des apôtres, dont la façade est surmontée, au-dessus de la place Saint-Pierre, des géants de 6 mètres, sans cesse en réparation, dont les bras, les jambes, les têtes, à demi mangées par le grand air, ne tiennent plus qu'à l'aide de ciment, de barres et de crampons. Et comme il se penchait pour jeter un coup d'œil sur l'entassement roux des toits du Vatican, il lui sembla que le cri qu'il fuyait s'élevait de la place. En hâte, il reprit son ascension dans le pilier qui menait à la coupole. Ce fut un escalier d'abord, puis des couloirs étranglés et obliques, des rampes coupées de quelques marches, entre les deux parois de la coupole double, l'intérieur et l'extérieur. Une première fois, curieusement, il poussa une porte. Il rentra dans la basilique à plus de 60 mètres du sol, sur une étroite galerie qui faisait le tour du dôme, juste au-dessus de la frise, où se lisait l'inscription « Tu es Petrus et super hanc Petram » en lettres de 7 pieds de haut. Et, s'étant accoudé pour regarder l'effroyable trou qui se creusait sous lui, avec des échappées profondes sur les transepts et sur les nefs, il reçut violemment au visage le cri délirant de la foule dont le grouillement énorme en bas clamait toujours. Plus haut, une seconde fois, il poussa une porte encore. Il trouva une autre galerie, cette fois au-dessus des fenêtres, à la naissance des resplendissantes mosaïques, d'où la foule lui parut diminuée, reculée, perdu dans le vertige de l'abîme, au fond duquel les statues géantes, l'autel de la confession, le baldaquin triomphal du Bernin, n'étaient plus que des joujoux. Et pourtant, le cri d'idolâtrie et de guerre, s'éleva de nouveau, le souilla avec une rudesse d'ouragan, dont la course accroît la force. Il dut monter plus haut, monter toujours, jusque sur la galerie extérieure de la lanterne, planant en plein ciel, pour cesser d'entendre. Ce bain d'air et de soleil, ce bain d'infini, comme il y goûta d'abord un soulagement délicieux. Au-dessus de lui, il n'y avait plus que la boule de bronze dorée, dans laquelle sont montés des empereurs et des reines, ainsi que l'attestent les inscriptions pompeuses des couloirs. La boule creuse, où la voix retentit en fracas de tonnerre, où retentissent tous les bruits de l'espace. Il était sorti du côté de l'abside. Il plongea d'abord sur les jardins pontificaux, dont les massifs d'arbres, de cette hauteur, lui apparaissaient tels que des buissons au ras du sol. Et il reconstitua sa promenade récente, le vaste parterre, semblable à un tapis de Smyrne, de couleur fanée, le grand bois d'un vert profond et glauque de mare dormante, le potager et la vigne, plus familiers, tenus avec soin. Les fontaines, la tour de l'observatoire, le casino où le pape passait les chaudes journées d'été, ne faisaient que de petites taches blanches au milieu de ces terrains irréguliers, enclos bourgeoisement par le terrible mur de Léon IV, qui gardait son aspect de vieille forteresse. Puis, il tourna autour de la lanterne, le long de l'étroite galerie, et il se trouva brusquement devant Rome, une immensité déroulée d'un coup. La mer lointaine à l'ouest, les chaînes ininterrompues des montagnes, à l'est et au midi. La campagne romaine tenant tout l'horizon, pareil à un désert uniforme et verdâtre. Et la ville éternelle à ses pieds. Jamais il n'avait eu une sensation si majestueuse de l'étendue. Rome était là, ramassée sous le regard, à vol d'oiseau, avec la netteté d'un plan géographique en relief. Un tel passé, une telle histoire, tant de grandeur, et une Rome si rapetissée par la distance des maisons lilliputiennes et jolie comme des jouets, à peine une tache de moisissure sur la vaste terre. Et ce qui le passionnait, c'était de comprendre clairement, en un coup d'œil, les divisions de la ville. La cité antique, là-bas, au Capitole, au Forum, au Palatin. La cité papale, dans ce Borgo qu'il dominait, dans Saint-Pierre et le Vatican, qui regardaient la cité moderne. Le Quirinal italien, par-dessus la cité du Moyen-Âge, tassée au fond de l'angle droit que formait le Tibre, roulant ses eaux jaunes et lourdes. Une remarque surtout acheva de le frapper. La ceinture crayeuse que faisaient les quartiers neufs au noyau central des vieux quartiers roux, brûlés par le soleil, un véritable symbole de rajeunissement tenté, le vieux cœur aux réparations si lentes, tandis que les membres extrêmes se renouvelaient comme par miracle. Mais, dans l'ardent soleil de midi, Pierre ne retrouvait pas la Rome si claire, si pure, qu'il avait vue le matin de son arrivée, sous la douceur délicieuse de l'astre à son lever. Ce n'était plus la Rome souriante et discrète, voilée à demi d'une brume d'or, comme envolée dans un rêve d'enfance. Elle lui apparaissait maintenant inondée de clarté crue, d'une dureté immobile, d'un silence de mort. Les fonds étaient comme mangés par une flamme trop vive, noyés d'une poussière de feu où ils s'anéantissaient. Et la ville entière se découpait violemment sur ses lointains décolorés, en grandes masses de lumière et d'ombre, aux brutales arêtes. On aurait dit quelque très ancienne carrière de pierres abandonnées, éclairées d'aplomb, que les rares îlots d'arbres taché seul de vert sombre. De la ville antique, on voyait la tour roussie du Capitole, les cyprès noirs du Palatin, les ruines du palais de Septime Sévère, pareilles à des os blanchis, à une carcasse de monstres fossiles apportée là par les déluges. En face, la ville moderne trônait avec les longs bâtiments du Quirinal, remis à neuf, enduit d'un badigeon dont la crudité jaune éclatait, extraordinaire parmi les cimes vigoureuses du jardin. Et au-delà, sur les hauteurs du Viminal, à droite, à gauche, les nouveaux quartiers étaient d'une blancheur de plâtre, une ville de craie, rayée par les mille petites raies d'encre des fenêtres. Puis, çà et là, au hasard, c'était la mare stagnante du Pincio, la Villa Médicis dressant son double campanile, le fort Saint-Ange d'un ton de vieille rouille, le clocher de Sainte-Marie-Majeure brûlant comme un cierge, les trois églises de l'Aventin assoupies parmi les branches, le palais Farnèse avec ses tuiles vieil or cuites par les étés, les dômes du Gesù, de Saint-André de la Vallée, de Saint-Jean des Florentins, et des dômes, et des dômes encore, tous en fusion, incandescents dans la fournaise du ciel. Et Pierre, alors, sentit de nouveau son cœur se serrer devant cette Rome violente, dure, si peu semblable à la Rome de son rêve, la Rome de rajeunissement et d'espoir qu'il avait cru trouver le premier matin, et qui s'évanouissait maintenant, pour faire place à l'immuable cité de l'orgueil et de la domination, s'obstinant sous le soleil jusque dans la mort. Tout d'un coup, seul là-haut, Pierre comprit. Ce fut comme un trait de flamme qui le frappa dans l'espace libre, illimité, d'où il planait. Était-ce la cérémonie à laquelle il venait d'assister? Le cri fanatique de servage dont ses oreilles bourdonnaient toujours? N'était-ce pas plutôt la vue de cette ville couchée à ses pieds, comme la reine embaumée qui règne encore parmi la poussière de son tombeau? Il n'aurait pu le dire, les deux causes agissaient sans doute. Mais la clarté fut complète, il sentit que le catholicisme ne saurait être sans le pouvoir temporel, qu'il disparaîtrait fatalement le jour où il ne serait plus roi sur cette terre. D'abord, c'était l'atavisme, les forces de l'histoire, la longue suite des héritiers des Césars, les papes, les grands pontifes, dans les veines desquels n'avait cessé de couler le sang d'Auguste, exigeant l'empire du monde. Ils avaient beau habiter le Vatican, ils venaient des maisons impériales du Palatin, du palais de Septime Sévère, et leur politique, à travers tant de siècles, n'avait jamais poursuivi que le rêve de la domination romaine, tous les peuples vaincus, soumis, obéissant à Rome. En dehors de cette royauté universelle, de la possession totale des corps et des âmes, le catholicisme perdait sa raison d'être. Car l'Église ne peut reconnaître l'existence d'un empire ou d'un royaume que politiquement, l'empereur ou le roi étant de simples délégués temporaires chargés d'administrer les peuples en attendant de les lui rendre. Toutes les nations, l'humanité avec la terre entière sont à l'Église qui les tient de Dieu. Si elle n'en a pas aujourd'hui la réelle position, c'est qu'elle cède devant la force, obligée d'accepter les faits accomplis, mais sous la réserve formelle qu'il y a usurpation coupable, qu'on détient injustement son bien. Et dans l'attente de la réalisation des promesses du Christ, qui, au jour fixé, lui rendra pour jamais la terre et les hommes, la toute-puissance. Telle est la véritable cité future, la Rome catholique, souveraine une seconde fois. Rome fait partie du rêve. C'est à Rome aussi que l'éternité a été prédite. C'est le sol même de Rome qui a donné au catholicisme l'inextinguible soif du pouvoir absolu. Aussi était-ce pour cela que le destin de la papauté se trouvait lié à celui de Rome, à ce point qu'un pape hors de Rome ne serait plus un pape catholique. Et Pierre, accoudé à la mince rampe de fer, penché de si haut au-dessus du gouffre, où la ville morne et dure achevait de s'émietter sous l'ardent soleil, en resta épouvanté. Sentit tout d'un coup passer dans ses os le grand frisson des êtres et des choses. Une évidence se faisait. Si Pie IX, si Léon XIII avaient résolu de s'emprisonner dans le Vatican, c'était qu'une nécessité les clouait à Rome. Un pape n'est pas le maître d'en sortir, d'être ailleurs le chef de l'Église. De même, un pape, quelle que soit son intelligence du monde moderne, ne saurait trouver en lui le droit de renoncer au pouvoir temporel. Il y a là un héritage inaliénable, dont il a la défense. Et c'est en outre une question de vie qui s'impose, sans discussion possible. Aussi, Léon XIII a-t-il gardé le titre de maître du domaine temporel de l'Église, d'autant plus que, comme cardinal, ainsi que tous les membres du Sacré Collège, lors de leur élection, il avait, dans son serment, juré de conserver intact ce domaine. Que l'Italie, pendant un siècle encore, garde Rome capitale, et pendant un siècle, les papes qui se succéderont ne cesseront de protester violemment en réclamant leur royaume. Et si une entente pouvait intervenir un jour, elle serait sûrement basée sur le don d'un lambeau de territoire. N'avait-on pas dit, lorsque des bruits de réconciliation couraient, que le pape régnant mettait, comme condition formelle, la possession au moins de la cité léonine, avec la neutralisation d'une route allant à la mer? Rien du tout n'est point assez. On ne peut partir de rien pour arriver à tout avoir. Tandis que la cité léonine, ce coin de ville si étroit, c'est déjà un peu de terre royale. Et il n'y a plus qu'à reconquérir le reste, Rome, puis l'Italie, puis les nations voisines, puis le monde. Jamais l'Église n'a désespéré, même au jour où, battue, dépouillée, elle semblait mourante. Jamais elle n'abdiquera, ne renoncera aux promesses du Christ, car elle croit à son avenir illimité. Elle se dit indestructible, éternelle. Qu'on lui accorde un caillou pour reposer sa tête, et elle espère bien ravoir bientôt le champ où se trouve ce caillou, l'empire où se trouve ce champ. Si un pape ne peut mener à bien le recouvrement de l'héritage, un autre pape s'y emploiera. 10, 20 autres papes. Les siècles ne comptent plus. C'était ce qui faisait qu'un vieillard de 84 ans entreprenait des besognes colossales qui demandaient plusieurs vies d'hommes, dans la certitude que des successeurs viendraient et que les besognes seraient quand même continuées et terminées. Et Pierre se vit imbécile, avec son rêve d'un pape purement spirituel, en face de cette vieille cité de gloire et de domination obstinée dans sa pourpre. Cela lui sembla si différent, si déplacé, qu'il en éprouva une sorte de désespoir honteux. Le nouveau pape évangélique, que serait un pape purement spirituel, régnant sur les âmes seules, ne pouvait certainement pas tomber sous le sens d'un prélat romain. L'horreur de cela, la répugnance pour ainsi dire physique, lui apparut soudain, au souvenir de cette cour papale figée dans les rites, dans l'orgueil et dans l'autorité. Ah, comme il devait être plein d'étonnement et de mépris devant cette singulière imagination du Nord, un pape sans terre et sans sujet, sans maison militaire et sans honneurs royaux, pur esprit, pure autorité morale, enfermé au fond du temple, ne gouvernant le monde que de son geste de bénédiction, par la bonté et l'amour. Ce n'était là qu'une invention gothique, embrumée de brouillard, pour ce clergé latin, prêtre de la lumière et de la magnificence pieux, certes, superstitieux même, mais laissant Dieu bien abrité dans le tabernacle, afin de gouverner en son nom, au mieux des intérêts du ciel, rusant dès lors en simple politique, vivant d'expédients au milieu de la bataille des appétits humains, marchant d'un pas discret de diplomate à la victoire terrestre et définitive du Christ, qui devait trôner un jour sur les peuples en la personne du pape. Et quelle stupeur pour un prélat français, pour un monseigneur Bergerot, ce saint évêque du renoncement et de la charité, lorsqu'il tombait dans ce monde du Vatican. Quelle difficulté de voir clair d'abord, de se mettre au point, et quelle douleur ensuite à ne pouvoir s'entendre avec ses sans-patries, ses internationaux toujours penchés sur la carte des deux mondes, enfoncés dans les combinaisons qui devaient leur assurer l'empire. Des journées et des journées étaient nécessaires. Il fallait vivre à Rome, et lui-même ne venait de comprendre qu'après un mois de séjour, sous la crise violente des pompes royales de Saint-Pierre, en face de l'antique ville, dormant au soleil, son lourd sommeil, rêvant son rêve d'éternité. Mais il avait abaissé son regard vers la place en bas, devant la basilique, et il aperçut le flot de monde, les 40 000 fidèles qui sortaient, pareils à une irruption d'insectes, un fourmillement noir sur le pavé blanc. Alors il lui sembla que le cri recommençait. « Et viva il papare ! Et viva il papare ! Vive le pape roi ! Vive le pape roi !» Tout à l'heure, pendant qu'il gravissait les escaliers sans fin, le colosse de pierre lui avait paru frémir de ce cri frénétique poussé sous ses voûtes. et maintenant, monté jusque dans la nue, il croyait le retrouver là-haut, à travers l'espace. Si le colosse, au-dessous de lui, en vibrait encore, n'était-ce pas comme sous une dernière poussée de sève, le long de ses vieux murs, un renouveau du sang catholique qu'il avait autrefois voulu si démesuré, tel que le roi des temples, et qui tentait aujourd'hui de lui rendre un souffle puissant de vie à l'heure où la mort commençait pour les nefs trop vastes et désertées. La foule sortait toujours, la place en était pleine, et une affreuse tristesse lui serra le cœur, car elle venait de balayer, avec son cri, le dernier espoir. La veille encore, après la réception du pèlerinage dans la salle des béatifications, il avait pu s'illusionner en oubliant la nécessité de l'argent qui cloue le pape à la terre, pour ne voir que le vieillard débile, toute âme, resplendissant comme le symbole de l'autorité morale. Mais c'en était fait à présent de sa foi en ce pasteur de l'Évangile, dégagé des biens terrestres, roi du seul royaume des cieux. L'argent du denier de Saint-Pierre n'imposait pas seul un dur servage à Léon XIII, qui était en outre le prisonnier de la tradition. L'éternel roi de Rome, cloué à ce sol, ne pouvant quitter la ville ni renoncer au pouvoir temporel. Au bout, était fatalement la mort sur place, le dôme de Saint-Pierre s'écroulant ainsi que s'était écroulé le temple de Jupiter Capitolin, le catholicisme jonchant l'herbe de ses ruines, pendant que le schisme éclatait ailleurs, une foi nouvelle pour les peuples nouveaux. Il en eut la grandiose et tragique vision. Il vit son rêve détruit, son livre emporté, dans le cri qui s'élargissait, comme s'il eût volé aux quatre coins du monde catholique. « Et viva il papare! Et viva il papare! Vive le pape roi! Vive le pape roi !» Et sous lui, il crut sentir déjà le géant de marbre et d'or osciller dans l'ébranlement des vieilles sociétés pourries. Pierre enfin redescendait. Lorsqu'il eut l'émotion encore de rencontrer Monsignor et Nanni sur les toitures des nefs, dans cette étendue ensoleillée, vaste à y loger une ville. Le prélat accompagnait les deux dames françaises, la mère et la fille, si heureuses, si amusées, à qui sans doute il avait aimablement offert de se promener sur le dôme. Mais dès qu'il reconnut le jeune prêtre, il l'aborda. « Eh bien, mon cher fils, êtes-vous content? Avez-vous été impressionné, édifié ?» De ses yeux d'enquête, il le fouillait jusqu'à l'âme. Il constatait où en était l'expérience. Puis, satisfait, il se mit à rire doucement. « Oui, oui, je vois. Allons, vous êtes tout de même un garçon raisonnable. Je commence à croire que votre malheureuse affaire, ici, finira très bien. »